sur les hommes seuls que pèse cette guerre, car 30 000 félagas ont imposé leur guerre primitive à 400 000 soldats d'une armée moderne. Il avait une autodiscipline, il fallait se donner totalement à la révolution. Paul-Alain Léger. Pendant la guerre d'Algérie, cet officier parachutiste et agent du service action du SDEC, les services secrets français, s'est chargé de missions très spéciales visant à déstabiliser le FLN, Front de Libération Nationale, qui lutte alors pour l'indépendance. À Alger, en prévision de la grève politique ordonnée par les rebelles, un imposant dispositif militaire a été mis en place sous la direction du général Massu, chargé de maintenir l'ordre dans la ville. De multiples contrôles destinés à filtrer les suspects sont opérés dans les différents quartiers et dans la banlieue. Les trolleybus d'Alger sont soigneusement passés au crible. Plus de 5000 hommes, appuyés par de solides réserves, veillent ainsi à la sécurité des Algérois. En janvier 1957, Paul-Alain Léger débarquait en Algérie avec le général Massu, auquel le gouvernement venait de confier les pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre et anéantir le FLN qui, depuis des mois, multipliait les attentats à Alger. C'était le début de la bataille d'Alger, où Massu et ses 4000 paras ont usé de la manière forte pour venir à bout de l'insurrection. Paul-Alain Léger fut un des maillons de cette sanglante machine de guerre, mais dans un autre registre. Celui du renseignement et de la guerre psychologique. Une photo très martiale immortalise cette époque. À la fin de la bataille d'Alger, fier d'une victoire qu'il croit définitive, quatre officiers en treillis, rangers et bérets rouges passent en revue le 3e régiment de parachutistes coloniaux. Le général Massu, le colonel Bijard, le colonel Trinquier et à côté d'eux, le capitaine Léger, un jeune homme brun et mince, à la peau mate et aux yeux noirs. Un grand souvenir sans doute, puisque Léger a gardé toute sa vie cette photo pliée dans son portefeuille. Véritable maître dans l'art de la ruse, Paul-Alain Léger est l'homme qui a imaginé et orchestré ce qu'on appellera la bleuite, une incroyable opération de manipulation et d'intoxication qui portera un coup terrible au camp ennemi. Ce mot « bleuite » parce que Léger et ses agents, pour se faire passer pour des membres du FLN, s'habillaient comme eux en bleu de travail. Paul-Alain Léger, par des moyens peu orthodoxes, pour ne pas dire machiavéliques, a réussi le tour de force de faire croire à certains chefs du FLN que leurs troupes étaient noyautées par des agents doubles, des traîtres ralliés à la France. Comme un poison, cette suspicion inoculée dans le camp ennemi a amené le FLN à ordonner de véritables purges dans ses rangs, en tuant des milliers de faux coupables authentiques patriotes. L'armée française n'avait ainsi pas besoin de risquer le sang de ses soldats pour vaincre le FLN qui se chargeait lui-même de s'autodétruire. Des méthodes que plus tard, dans ses mémoires, Paul-Alain Léger justifiera au nom de l'efficacité. Si la bleuite et d'autres opérations de guerre psychologique menées pendant la guerre d'Algérie ont été commanditées par les services secrets français, elles portent presque toutes la signature de Paul-Alain Léger. Un homme nourri à l'idéal militaire et à l'amour de l'empire colonial, qui a consacré sa vie à faire la guerre et surtout, par tous les moyens, même les pires, à la gagner. Jusqu'à ce qu'en 1961, ce partisan de l'Algérie française prenne le parti des généraux putschistes et soit contraint de quitter l'armée. Paul-Alain Léger est né en 1922 au Maroc, mais c'est en Algérie, à Sétif, qu'il a grandi. Tout petit, il apprend à parler l'arabe algérien et le kabyle. Il s'en souviendra quand plus tard, il sillonnera les ruelles de la Casbah, interpellant la population en se faisant passer pour un combattant du FLN. Mais en 1940, le jeune homme est à Paris, quand les troupes allemandes envahissent la France. Et le 11 novembre 1940, à 19 ans, il quitte son lycée, le lycée Voltaire, pour rejoindre à l'Arc de Triomphe la manifestation des lycéens et des étudiants, interdite bien sûr par l'occupant et qui sera durement réprimée. C'est d'ailleurs par cet épisode courageux que Léger débute ses mémoires. Une manière sans doute de vouloir inscrire le reste de sa vie dans le socle glorieux de la résistance. Au printemps 1942, bien décidé à s'engager, il parvient à gagner l'Afrique du Nord et à rejoindre l'armée d'armistice. L'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord. Après le débarquement anglo-américain en novembre 1942 et les glorieuses victoires des forces françaises libres en Afrique du Nord, Léger se porte volontaire l'année suivante quand se forme une unité de parachutistes français au sein de l'armée britannique, le futur 3e SAS Special Air Service. Dans le film « Un jour avant l'aube », on voit ces parachutistes français basés en Angleterre pressés d'en découdre au printemps 1944. Oh, les 450 SAS français sont officiellement incorporés aux forces de débarquement. Maintenant qu'on avait la certitude de sauter sur la France, le temps n'en finissait plus. Les derniers entraînements, les derniers sauts, nous les avons vécus comme dans un rêve. Action stations! C'est dans ce service action que Léger apprend à sauter en parachute, bien sûr, mais aussi à créer des maquis, monter des sabotages et des filières d'évasion. Des techniques qui lui seront utiles en Indochine et en Algérie. Après le débarquement allié en 1944, Léger est parachuté en France occupée pour mener des opérations de commando. Quand enfin la guerre se termine en Europe, une autre commence en Extrême-Orient. En septembre 1945, le leader vietnamien Ho Chi Minh proclame l'indépendance de l'Indochine. Un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans, ce peuple a le droit d'être indépendant. Paul-Alain Léger, qui a décidé de rempiler dans les paras, s'embarque pour l'Indochine en 1946. Il y fera deux séjours de 2 ans jusqu'à la défaite de 1954. Là-bas, il découvre une guerre jusqu'alors inconnue des Français, la guérilla révolutionnaire. Lorsqu'un peuple n'a que ses mains et son cerveau pour se soulever contre une armée puissante et la chasser de sa terre, il utilise les seuls moyens dont il dispose, la ruse et la terreur. Instant dramatique aux avant-postes. Notre reporter, parti avec une patrouille, essuie le feu des Vietnamiens. À ses côtés, 2 hommes sont tombés. 2 morts dont les noms vont s'ajouter à la liste déjà si longue des morts de l'Indochine. Lors de son second séjour, Paul-Alain Léger est parachuté sur Koh Lahore, une île perdue de la mer de Chine, dont le para tombe littéralement amoureux, saisi par la beauté de sa végétation tropicale et de ses eaux turquoises. Les paras français ont investi l'île pour y établir une base, dont Léger prend le commandement. Mais Léger n'est pas un officier comme les autres. À Koh Lahore, conscient que la guerre classique ne fonctionne pas, il expérimente de nouvelles méthodes. En plus des paras, ce meneur d'hommes enrôle des autochtones, des pêcheurs locaux ou des prisonniers de l'ennemi Viet Minh qu'il réussit à retourner et qu'il forme à la contre-guérilla et au sabotage. Des méthodes inspirées de l'ennemi. Vivant immergés dans la population, ces soldats ne portent pas d'uniforme. Ils sont vêtus de noir, comme ceux du Viet Minh, histoire de mieux les confondre. Des méthodes peu orthodoxes, inédites, qui porteront leurs fruits. Paul-Alain Léger, objet parfois d'un véritable culte par ses hommes, règne sur Koh-Lahore en maître solitaire. Mais en mai 1954, la défaite française de Dien Bien Phu le contraint à quitter son royaume. Ces négociations s'ouvraient à l'heure même où les éditions spéciales annonçaient à la France la chute de Dien Bien Phu, tombé après 57 jours d'une bataille sans merci. À l'heure où les héroïques soldats du général de Castres cédaient sous le nombre, après une défense qui pourra compter parmi les plus hauts faits militaires de toute l'histoire. C'est le cœur plein d'amertume et de tristesse que le 1er décembre 1954, je prends place dans le DC-6 qui doit me ramener en métropole. Une dernière fois, mon regard se pose sur le damier des rizières. Les enchevêtrements des paillotes blotties sous les cocotiers. Pays fascinant où tant des nôtres sont tombés. Les survivants, la rage au cœur, se jurent de ne plus jamais supporter le déshonneur d'un abandon imposé par la lassitude de l'arrière, l'incurie et l'ambition des politiciens. Dans ces mots de Paul-Alain Léger, on entend déjà l'amertume du militaire qui, en 1961, soutiendra le putsch des généraux à Alger. À peine est-il de retour à Paris en 1954 que Paul-Alain Léger reçoit une nouvelle affectation, le service action du SDEC. Le SDEC, autrement dit les services secrets français, installé à Paris à la Porte des Lilas, dans la caserne des Tourelles, et surnommé la Piscine. Réputé sans doute déjà pour ses méthodes originales en Indochine, Léger fait donc maintenant partie de ces militaires rattachés à l'espionnage. Si la guerre d'Indochine est terminée, en 1954, un autre conflit occupe et préoccupe le gouvernement de la 4e République et donc ses services secrets. Les événements d'Algérie, comme on désigne alors pudiquement la guerre, qui vient de se déclencher dans ce département français. Le 1er novembre 1954, 70 attentats anti-français sont commis simultanément sur le territoire algérien. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tifelfel, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi. On peut croire que le calme sera vite rétabli. En fait, la guerre va durer jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Désormais, l'ennemi que Paul-Alain Léger est chargé de combattre s'appelle le FLN, Front de Libération Nationale. Sa première intervention a lieu non en Algérie, mais en Égypte. En 1956, après la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Nasser, Paul-Alain Léger et ses collègues parachutistes participent à la riposte franco-britannique à Port Saïd pour reprendre le contrôle du canal. Les Français soupçonnent également Nasser de fournir des armes au FLN. Mais l'opération de Suez, désavouée par l'ONU et par l'URSS, tourne au fiasco. Les soldats britanniques et français sont priés de rentrer chez eux, pour la plus grande amertume de Paul-Alain Léger. Les hommes politiques avaient une fois de plus interrompu le cours d'événements qu'ils avaient eux-mêmes décidé. Rentré à Paris, je repris mes fonctions à la caserne de la Porte des Lilas, où les renseignements venus d'Algérie ne laissaient aucun doute sur la gravité de la situation. Fin 1956, en effet, la situation est grave. Depuis un an, le FLN multiplie les attentats à Alger. Le gouvernement, qui n'arrive plus à faire maintenir l'ordre, décide d'envoyer l'armée. Doté des pleins pouvoirs, le général Massu prend la tête de 10 000 hommes, parmi lesquels 4 000 parachutistes. C'est avec eux que le para et espion Paul-Alain Léger débarque en Algérie en janvier 1957. Léger découvre une ville qui, depuis des mois, vit au rythme angoissant des attentats aveugles du FLN et des représailles non moins aveugles menées par des Européens sur des musulmans. Par tous les moyens, arrestations massives, assassinats, pratiques illimitées de la torture, viols, le général Massu et ses hommes vont s'employer à reprendre la Casbah, devenue le fief imprenable du FLN et de son chef algérois, Yassef Saadi. Le général Massu, qui a la réputation d'être un homme énergique, a inauguré ses nouvelles fonctions en déclenchant une opération Casbah qui a commencé au milieu de la nuit pour se terminer vers midi. Plusieurs milliers de soldats et de policiers ont bouclé la vieille ville en étage et fouillé les maisons une à une. Des pompiers munis de cordes, d'échelles et de projecteurs étaient chargés de sonder les puits et les cachettes éventuelles. Des serruriers ont été requis pour ouvrir les maisons sur lesquelles des scellés ont été posés. Un individu qui tentait de s'enfuir par les terrasses a été abattu. On affirme que plusieurs centaines de suspects ont été appréhendés et qu'un certain nombre d'individus recherchés auraient été trouvés parmi eux. Ici Alger, à vous Paris. Mais Paul-Alain Léger, habitué à travailler seul, veut infiltrer la Casbah par d'autres méthodes, celles qui ont fait leurs preuves en Indochine. Il crée sa propre organisation, le GRE, groupe de renseignement et d'exploitation, et forme sa propre équipe. Deux paras, qu'il a ramenés d'Indochine, le premier, Barjou, surnommé Dédé Leblond ou Double Colt, à cause des deux pistolets dont cet as de la gâchette ne se sépare jamais, le second, Abdelaziz Abdelhami, dit Surcouf, un colosse musulman, placide et débonnaire en apparence, mais capable en un instant de se transformer en tueur. Avec ce trio hétéroclite mais redoutable, Léger va puiser dans les prisons des rebelles FLN arrêtés, des hommes ou des femmes, afin de les retourner. Paul-Alain Léger, interviewé en 1987 pour France Culture. J'ai pensé que pour avoir le renseignement, il s'agissait de s'adresser à la population musulmane. Mais pour avoir ce renseignement, il fallait employer des gens qui avaient été au préalable du FLN, qu'il était nécessaire naturellement de retourner, et avec ces gens-là, on pouvait parfaitement rentrer dans la Casbah, car ils étaient connus de tout le monde, et à condition de tenir secrète leur arrestation, il était possible de s'infiltrer et d'aller chercher le renseignement et non pas de l'attendre. J'ai proposé donc d'aller dans la Casbah, et c'est là, bien sûr, que j'avais dit, bon, ben, nous nous habillerons un petit peu comme les jeunes, tous les jeunes de la Casbah, c'est-à-dire avec des bleus de chauffe, ni plus ni moins. Quand j'ai proposé ça au colonel Godard, évidemment, il a un petit peu sauté en l'air, car il m'a dit, mais enfin, vous êtes fou, est-ce que vous êtes candidat au suicide? Bon, je lui ai dit que non, je n'étais pas particulièrement candidat au suicide, mais je pensais que c'était la seule solution. J'ai profité, je dois dire que j'ai été un petit peu indiscipliné, j'ai profité d'une permission, d'un congé du colonel Godard pour mettre en pratique ce que j'avais proposé. Alors, ma foi, nous sommes rentrés, bel après-midi, dans la Casbah. On nous prenait d'ailleurs pour un groupe FLN, puisque les femmes, on entendait les you-you dans les étages. Et le premier café mort dans lequel nous sommes entrés, naturellement, ça a été la surprise générale. Lorsque on a commencé à fumer, qu'on a demandé des dominos pour jouer, et qu'on a offert des cigarettes à la ronde. Alors le tenancier, naturellement, qui connaissait Alilou, lui a dit, mais enfin, tu es fou, tu sais bien quelles sont les consignes du front. Mais Alilou a répondu, les consignes, maintenant, c'est lui qui les donne, en me désignant. Bon, bien, on a fait tous les cafés morts comme ça, dans la journée, et quand on nous sommes repassés après, la radio jouait à fond, et les gens, les clients qui étaient à l'intérieur, étaient tout heureux de pouvoir jouer au domino et de pouvoir fumer. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que on a commencé à donner des ordres pour que les consignes du FLN ne soient plus respectées. Parmi les membres du FLN que Paul-Alain Léger réussit à retourner, une jeune femme, Ouria, dite Ouria la Brune, va jouer un rôle clé. Léger, qui a compris l'importance des femmes au sein du FLN, ce sont souvent elles qui sont chargées de poser les bombes, fait venir un jour Ouria à son bureau. Très persuasif, Léger réussit sans mal à la convaincre de faire du renseignement pour lui. Dégoûtée par les attentats commis par son camp, la jeune femme est sensible aussi, semble-t-il, au charme du capitaine. Léger, il guidait bien son monde. Il avait un groupe à lui qui menait, pas la baguette, mais correctement, autoritaire. Et quand il donnait un ordre à ses troupes, il donnait un troupe, et sur nous, surtout ne revenez pas sans vos armes. Tous étaient des hommes, mais à côté de Léger, c'était autre chose, Léger. Même quand il marche, tu sens que c'est quelqu'un d'un combattant. Voilà, je trouvais le pas de mot, d'un combattant, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et ce qu'il veut, il l'a. Première étape, Léger doit faire croire au FLN qu'Ouria est une authentique de ses combattantes. Pour cela, le capitaine, dans une incroyable opération de mystification, monte une fausse arrestation de la jeune femme. En pleine nuit dans la Casbah, elle est interpellée chez elle par la police. Une arrestation bruyante qui, comme prévu, réveille tout le quartier. Et au moment où elle est emmenée par les policiers, comme par hasard, elle réussit à leur échapper. Léger, qui est présent, lui laisse quelques secondes pour s'enfuir, sort son pistolet, tire vaguement en l'air et, toujours aussi mollement, se lance à la poursuite de la fugitive. La réussite est totale. Ouria, par son évasion spectaculaire, devient une héroïne du FLN, tout en continuant à renseigner Léger. Et c'est Ouria qui, de fil en aiguille, l'aidera à mettre la main sur Yassef Saadi, le chef FLN d'Alger, que depuis des mois, les hommes de Massu n'arrivent pas à débusquer. À Alger, la rébellion a perdu un de ses chefs. Une filière avait conduit les forces de l'ordre dans la Casbah, où le numéro 3 de la rue Caton était surveillé depuis plusieurs jours. C'est dans cet immeuble que les soldats devaient forcer Yassef Saadi au fond du repère qu'il s'était ménagé derrière un panneau de mur amovible. Arrêté en compagnie de sa compagne Zora Drif, Yassef Saadi, maintenant sous bonne garde, dirigeait toute la rébellion de la zone d'Alger. Il rendra compte à la justice de ses activités. Yassef Saadi sera condamné à mort, puis gracié par le général de Gaulle en 1959. Deux semaines après l'arrestation de Saadi, c'est au tour de son adjoint, Ali Lapointe, d'être localisé. Mais comme il refuse de se rendre, les paras font dynamiter sa planque, sans savoir qu'elle abrite une importante réserve de bombes, et provoque ainsi une énorme explosion. L'arrestation de Saadi et la mort d'Ali Lapointe marquent la fin de la bataille d'Alger, gagnée par les Français. Mais dans le reste de l'Algérie, la guerre continue, menée par l'ALN, armée de libération nationale, le bras armé du FLN. Un de ses plus valeureux combattants est le colonel Amirouche, surnommé Amirouche le Terrible ou le loup de l'Afkadou. Redouté des Français, apparemment insaisissable, il dirige la Wilaya 3. Les Wilayas sont des divisions administratives créées par le FLN. Paul-Alain Léger va monter contre Amirouche une incroyable opération d'intoxication qui aboutira à la bleuite. Pendant la bataille d'Alger, Paul-Alain Léger a réussi à mettre la main sur Zerouk, un chef FLN, et à le retourner. Comme le FLN ne sait rien de cette capture, Léger demande à Zerouk d'entreprendre une correspondance écrite avec Amirouche. Pendant des mois, en 1957 et 1958, des lettres signées Zerouk, mais en réalité rédigées par Léger, sont envoyées dans le maquis à Amirouche, qui à son tour y répond. Une situation qu'on pourrait dire cocasse si elle n'avait des implications tragiques. Dans ses lettres, Léger fait croire à Amirouche que le FLN d'Alger a été décapité, mais qu'il n'est pas démantelé. La mystification est telle que le 12 novembre 1957, Amirouche adresse à son correspondant un message incroyable. Ordre de mission. Le porteur de cet ordre de mission est habilité au nom de la Wilaya 3 de représenter l'armée et le FLN au sein de la zone autonome d'Alger. Ce qui veut dire qu'Amirouche désigne son destinataire, en l'occurrence Paul-Alain Léger, comme successeur de Yassef Saadi à Alger, et lui donne l'ordre de reprendre les attentats dans la ville. Léger n'aurait jamais pu imaginer une telle réussite. Et pour continuer de tromper l'ennemi, Léger va donc organiser de faux attentats dans Alger, avec les munitions que lui envoie Amirouche. Des bombes sont posées, qui explosent, mais bien sûr sans faire de victimes. Ce qui fait que pendant 6 mois, le calme règne à Alger. Mais Amirouche s'impatiente, il exige des résultats. Sinon, écrit-il, il ne fournira pas au FLN d'Alger les gros poissons qu'il lui a promis. Léger, qui comprend qu'il s'agit d'obus, décide de se rendre lui-même dans le maquis kabyle afin de récupérer ses munitions. Avec ses hommes, tous d'anciens du FLN qu'il a retournés, Léger marche pendant des heures sous une pluie battante dans les montagnes kabyles en direction du QG d'Amirouche. En route, il tombe sur une patrouille de l'ALN qu'il réussit à capturer sans tirer le moindre coup de feu. Après avoir récupéré les obus, Léger et ses hommes repartent à Alger avec leurs prisonniers. C'est à ce moment que commence la bleuite. Quand Amirouche apprend que plusieurs de ses hommes ont été capturés par l'ennemi, sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré, le doute s'immisce dans son esprit. Y aurait-il des traîtres dans ses rangs ? Et Paul-Alain Léger va tout faire pour confirmer ses craintes. Dans cette tâche, pendant l'hiver 1957-1958, une femme va l'aider, bien malgré elle, et on va le voir pour sa propre perte. Zora Tadjer, surnommée Rosa, une jeune militante du FLN qui a été arrêtée dans un village non loin du maquis d'Amirouche. Paul-Alain Léger l'interroge, avec comme toujours l'idée de la retourner. Rapidement, la jeune fille accepte de travailler pour lui. Trop rapidement, au goût de Léger, qui voit bien qu'elle n'a en réalité qu'une envie, retourner au maquis. Il décide alors de l'utiliser. Son plan est littéralement machiavélique. Léger veut faire croire au FLN qu'il a réussi à retourner Rosa. Dans un premier temps, il la promène dans sa voiture dans le village, en plein jour de marché, de telle manière qu'elle soit vue de tous les habitants en compagnie d'un officier français. De tous, y compris des maquisards. Deuxième temps, Léger l'emmène à Alger et dans son bureau, il lui montre la correspondance échangée avec la Wilaya 3. Il veut ainsi faire croire à Rosa que le FLN est truffé d'espions à la solde des Français. Et surtout, il veut qu'elle en informe ses chefs. Il laisse partir Rosa, qui, comme il l'a prévu, retourne au maquis. Et comme prévu aussi, l'adjoint d'Amirouche, Hassen, dit Hassen la torture, accuse Rosa d'être une espionne. Et il lui a dit, écoute, tu m'accuses d'être une espionne, mais alors des espions, autour de toi, il y en a en pagaille. Parce que moi, je sais. Et elle s'est mise à raconter, évidemment, tout ce qui s'était passé dans mon bureau. Alors là, Mayouz, qui n'était pas très intelligent, a voulu en savoir beaucoup plus. Et pour en savoir plus, il n'y avait qu'une seule chose, il fallait la passer à l'hélicoptère. Et l'hélicoptère, c'est une torture tout à fait particulière. C'est-à-dire que la pauvre fille a été mise complètement nue, les mains et les chevilles entravées dans le dos, suspendues au-dessus d'un brasero. Et on la faisait tourner au-dessus du brasero, on la descendait petit à petit, on la faisait tourner naturellement sous la douleur. Elle a raconté, j'ai son compte-rendu d'interrogatoire, elle a raconté toutes sortes d'histoires, elle a raconté qu'effectivement elle avait été envoyée par le capitaine Léger. Elle a donné des mots de passe tout à fait farfelus, des mots de reconnaissance invraisemblables. Et la malheureuse a été égorgée après. Mais avant, naturellement, elle avait donné les noms, non seulement des gens dont elle avait vu les signatures sur les lettres, mais elle a même donné des noms de gens de sa famille qui habitaient en Kabylie. Bon, ces gens-là ont été arrêtés. On les a torturés. Ils ont parlé, bien sûr. Ils ont dit n'importe quoi. Ils ont dénoncé des gens qui n'étaient strictement pour rien, mais en général des cadres supérieurs, des gens. Bon. Et là, ça a commencé comme ça. Paul-Alain Léger, interviewé ici en 1987, expliquant visiblement sans l'ombre d'un regret comment il a utilisé la jeune Rosa pour inoculer le doute, la fameuse bleuite, dans les rangs de la Wilaya 3 du colonel Amirouche. Un ennemi qui lui aussi, on vient de l'entendre, pratique la torture, et ce n'est qu'un début. Amirouche, certain d'être victime d'un gigantesque complot de traîtres, va lancer dans ses rangs une véritable purge et appeler les autres Wilayas à en faire autant. 3 août 1958, au chef de la Wilaya 4. Chers frères, j'ai le devoir de vous informer en priant Dieu que ce message vous parvienne à temps, de la découverte dans notre Wilaya d'un vaste complot ourdi depuis de longs mois, par les services secrets français contre la révolution algérienne, avec la complicité d'éléments les plus divers. Ce complot, d'après les renseignements en notre possession, s'étendrait à toutes les wilayas d'Algérie. Le réseau tissé dans notre wilaya vient d'être pratiquement mis hors d'état de nuire. Après une enquête d'autant plus ardue que ses chefs dans le maquis étaient des hommes en apparence au-dessus de tout soupçon. Signé, le colonel Amirouche. Parmi ces hommes en apparence au-dessus de tout soupçon, il y a Rémi Madoui, à peine un homme en réalité. Dans le documentaire de Jean-Paul Marie, La Bleuite, l'anti-guerre d'Algérie, ce jeune combattant du FLN, lycéen engagé volontaire à 15 ans, témoigne de l'enfer qu'il a vécu quand est tombée sur lui la paranoïa de La Bleuite. Un jour, dans le maquis, alors qu'il rentre à son PC... Deux personnes me sont sautées dessus, m'ont mis par terre et m'ont ligoté. Sans savoir, pour absolument aucune raison. Et on m'a emmené et je me suis retrouvé dans un centre de torture dirigé par le fameux Hassan Mayouz la torture. Sous la torture de Mayouz, personne ne tenait 24-48 heures. Comment j'ai tenu 2 semaines, je n'en sais rien. Le soir, bien qu'avec la torture, évidemment j'étais nu, j'étais mouillé, on mettait, il y avait à l'entrée de la casemate où ils dormaient, un genre de trou qu'ils avaient creusé, donc impossible de dormir. Donc, pendant 2 semaines, la soif, la faim, le sommeil, donc on devient une loque. Les plus touchés par la bleuite sont les combattants fraîchement arrivés au maquis, notamment les jeunes étudiants ou lycéens venus de la ville. Rémi Madoui, par chance, réussira à survivre à la torture et à fuir. Et comme beaucoup de survivants de la bleuite, il rejoindra les rangs ennemis. À l'indépendance de l'Algérie en 62, Rémi Madoui sera emprisonné, jugé et condamné à 2 ans de prison. Plus tard, il partira en exil. En attendant, face à l'ampleur des purges, les combattants d'Amirouche ne comprennent pas ce qui leur arrive, à eux-mêmes ou à leurs frères d'armes qu'ils voient torturés sous leurs yeux. Dès 1958, l'armée française prend connaissance de ces massacres. Le 23 septembre 1958, Jean Lanzy, futur présentateur vedette du JT de TF1, alors simple reporter pour la Radio Nationale, accompagne une opération de l'armée française qui fait une découverte macabre dans la forêt de l'Afkadou, le fief d'Amirouche. Imaginez la surprise du soldat qui sent soudain son pied s'enfoncer dans la terre meuble des sous-bois et découvre au-dessous des corps meurtris, mutilés, des corps d'anciens soldats rebelles, 400 environ, selon les premières estimations. Amirouche avait des antennes. Aussi mit-il au point un processus d'extermination de tout membre de sa bande qui lui semblait impur. Les corps de ces malheureux ont été affreusement mutilés. On savait certes que des dissensions se faisaient jour dans les rangs rebelles, mais on ne supposait pas qu'elles provoqueraient de tels massacres. Certaines victimes ont d'ailleurs été marquées du signe de la Croix de Lorraine. Je vous fais grâce des détails. Vous l'entendez, aucune allusion ici, bien sûr, à une quelconque opération de manipulation. Et pour le journaliste, il ne fait aucun doute que ces massacres prouvent la désaffection au sein de l'ALN de combattants qui auraient finalement rallié la France. La découverte des charniers, relayée à la radio, sert donc la propagande française. La bleuite, inventée et mise en œuvre par Paul-Alain Léger, est donc une réussite totale pour son camp. D'une part, elle permet de faire mourir en masse les ennemis sans que le sang français soit versé. D'autre part, la bleuite, hors de tout contrôle, casse chez l'ennemi son unité et son moral, des valeurs essentielles dans une armée. La bleuite, une réalité longtemps restée taboue en Algérie, provoque la mort de milliers de combattants FLN. Encore aujourd'hui, il est impossible de chiffrer le nombre réel de ces victimes, souvent de jeunes Algériens éduqués, qui après 1962 manqueront cruellement à la reconstruction du pays. Dans ses mémoires, Paul-Alain Léger, avec forfanterie et sans doute exagération, parlera de 4000 victimes. En tout cas, il n'exprime aucun regret. Certaines bonnes âmes prétendront que c'était là une guerre indigne de guerriers. Je pense personnellement que si l'ennemi a des dispositions particulières pour se détruire lui-même, bien coupable celui qui n'en profiterait pas. Vive la République ! Vive l'Algérie française ! Et vive De Gaulle ! Vous avez compris ? Mais la bluite, si destructrice soit-elle, n'empêche pas la marche de l'Algérie vers son indépendance, qui s'accélère après le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, pour le plus grand désespoir de Paul-Alain Léger. Le 22 avril 1961, ce fanatique de l'Algérie française participe activement au putsch des généraux. Le matin du samedi 22 avril, Alger s'éveillait devant un spectacle imprévu. Des unités de légionnaires et de parachutistes occupaient les points stratégiques. Radio Alger annonçait « L'armée s'est assurée le contrôle du territoire algéro-saharien ». Si déjà dans l'édifice du complot certaines fissures apparaissaient, la foule algéroise n'en imaginait rien encore quand le lundi 24, elle envahissait le forum pour acclamer les quatre hommes qui s'étaient emparés du pouvoir. Au balcon de la délégation générale, ils apparaissaient. Charles, Salan, Jouot, Zeller. Tour à tour, ils s'adressaient à la population, lui répétaient les mots qui activaient sa fièvre. Mais derrière les applaudissements de cette foule, pouvait-on ne pas entendre l'écho des paroles qu'avait prononcées la veille le général de Gaulle, affirmant l'autorité de l'État, dénonçant l'action des insurgés, dictant des ordres pour arrêter le drame. Mais Paul-Alain Léger paiera cher cet engagement. Après l'échec du putsch, comme d'autres militaires, le para-espion est mis dans un avion pour la métropole et incarcéré. Il quittera l'armée en 1965. En 1983, il publie ses mémoires au carrefour de la guerre. Paul-Alain Léger meurt en 1999 à l'âge de 78 ans. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.